Nous avions expliqué ainsi, bihamdillahi azza wa jal, le sens de la foi al-iman, ainsi que de ses piliers, et de ses conditions, et de ce qui en découle, et de ce qui l'annule. Et nous avions affirmé que la foi al-iman est une parole prononcée par la langue, est une parole par la langue prononcée, et par le cœur attesté, et par les membres du corps œuvrés et effectués. Et ainsi nous avions donné les preuves al-adilla, qui répondent aux paroles d'al-murji'a, et de leurs pensées destructrices, et ainsi pas besoin de mentir, ayol ikhwa, pas besoin de se mentir et d'être hypocrite ou de calomnier. La foi al-iman se doit d'être traduite et justifiée par les actions al-amal. Inna alladhina amanu wa aminu salihat. Ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres. Ainsi celui qui traduit la foi al-iman demandée par Allah Jalla wa Ala par des actions al-amal, il atteindra certes tous les biens. Et il obtiendra certes tout ce qui est recherché. Et voilà que nous entrons ainsi dans la suite de ce verset, le verset d'Allah Azza wa Jal, de cette sourate bénie, sourate Al-Aqman, que nous allons, bi-idhnillahi Azza wa Jal, tenter d'expliquer aujourd'hui. Yaqulu Allah Jalla wa Ala, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, innal ladhina amanu wa aminu s-salihat, lahum jannatun na'im, khalidina fiha, وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices pour y demeurer éternellement. C'est en vérité une promesse d'Allah et c'est lui le puissant et le sage. Telle est la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ses serviteurs croyants et mu'minoun. Tel est l'anoblissement et l'honneur de ses serviteurs unicitaires, al-muwahidoun, de la part d'Allah Azza wa Jal. Tel est un don de la part d'Allah Jalla wa Ala pour ses pieux serviteurs, al-muttaqoun. Wa'adallahi haqqa. Et certes, la promesse d'Allah est vérité. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, innahu kana wa'aduhu ma'tiya. Certes, sa promesse arrivera sans nul doute. Et Allah nous le dit également, inna Allah la yukhliful mi'ad. Et Allah ne manque pas à sa promesse. Et Allah nous dit également dans sourate An-Nisa, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et quant à ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement, une promesse d'Allah en vérité. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ? Et Allah nous dit également dans sourate Maryam. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Au jardin du séjour éternel que le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs qui auront cru au monde invisible, car sa promesse arrivera sans nul doute. On n'y entend nulle parole insignifiante, seulement salam, seulement paix, et ils auront leur nourriture matin et soir, tel le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat, lahum jannatun na'im. Ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices. Ainsi le discours sur le paradis al-jannah, ayyuhal ikhwatul kiram, est certes un discours long et joli et agréable. C'est un discours qui fait vibrer les cœurs al-qulub. C'est un discours qui donne envie aux âmes al-nufus d'être proches et aux côtés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un discours dont celui qui l'écoute ne s'ennuie guère et ne s'ennuie pas. Quel que soit le temps, ayyuhal ikhwa, que l'on prendra pour décrire et pour parler du paradis al-jannah, on ne le décrira pas comme il mérite d'être décrit. Et comme le paradis al-Jannah est une chose qui fait partie du monde invisible al-Ghaib, il nous est donc autorisé et il ne nous est pas autorisé. Et il nous est donc interdit de le décrire, excepté avec les preuves authentiques venant du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi nous disons que le paradis al-Jannah, autant de temps que l'on puisse mettre pour le décrire, pour décrire ce qu'Allah aura préparé et réservé et destiné à ses serviteurs pieux et à ses bien-aimés, nous ne le décrirons pas comme il se doit. Pourquoi ? Car ce qu'Allah Jalla wa Ala a préparé à l'intérieur de ce paradis al-Jannah dépasse certes l'imagination humaine et surpasse certes la raison et l'esprit. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala a dit, j'ai réservé à mes pieux serviteurs al-Muttaqoun ce que nul œil n'aura vu auparavant, et ce que nulle oreille n'aura entendu auparavant, et ce que nul esprit ou raison n'aura imaginé auparavant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita la parole d'Allah Jalla wa Ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on aura réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils aimeraient. Et sachez également, ayyuhal ikhwatul kiram, que le paradis al-Jannah existe et est présent en ce moment même. Le paradis al-Jannah est présent en ce moment et de nos jours. Comme le disent les gens d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullahu ta'ala, nous dit dans son livre Al-Aqidah al-Tahawiyya, il nous dit, rahimahullah, le paradis et l'enfer, al-Jannah wal-Nar, sont deux créatures qui ne périront jamais. Allah Jalla wa Ala a créé le paradis et l'enfer avant la création des gens. Celui qui rentre au paradis, c'est par la faveur d'Allah. Et celui qui rentre en enfer, ce sera par la justice d'Allah. Allah Jalla wa Ala nous le dit en confirmant la présence déjà du paradis al-Jannah. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Et Allah nous dit également, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Et il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de Sidrat al-Muntaha, près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa. Ainsi le paradis al-Jannah est déjà présent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà vu le paradis al-Jannah lors de la nuit de l'ascension, Laylatul Mi'raj. Comme ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Anas, radiallahu anhu, dans le récit de l'ascension al-Mi'raj et à la fin de ce récit, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, puis Jibril alayhi salam m'emmena à Sidratul Muntaha. J'aperçus alors des couleurs que je ne connais pas. Et le bien-aimé Al-Habib nous dit sallallahu alayhi wa sallam, puis je suis entré au paradis al-Jannah. J'ai vu alors que ses pierres étaient de perles et que sa terre était de musc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà vu le paradis al-Jannah dans ce bas monde al-Dunya. Lorsqu'il accomplissait Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse, et la preuve en est tirée du hadith rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Décrivant la prière de l'éclipse, et les compagnons demandèrent à Rasulallah, nous t'avons vu essayer de prendre quelque chose pendant la prière à cet endroit, puis nous t'avons vu reculer. Et alors Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ra'aytu al-Jannah, j'ai vu le paradis, j'ai vu le paradis, j'ai alors voulu prendre une grappe de raisin, et si je l'avais pris, vous en auriez mangé jusqu'à la fin des temps. Ainsi le paradis al-Jannah est présent de nos jours, ayyuha al-ikhwa, et cela se doit d'être ancré dans le cœur de tous les unificateurs al-Muwahhidin lillahi azza wa jalla. Contrairement à ce que prétendent et à ce que disent les sectes égarées parmi Al-Mu'tazila, Al-Qadariya et d'autres sectes. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront le jardin des délices. Alors qu'est-ce qu'a préparé Allah Jalla wa Ala à l'intérieur? Qu'est-ce que nous a dit celui qui a planté sa faveur lui-même de ses mains, tabaraka wa ta'ala? Qu'est-ce que nous a dit celui qui aura vu ce paradis de ses propres yeux, sallallahu alayhi wa sallam? Allah Jalla wa Ala nous dit en ce qui concerne les caractéristiques des portes du paradis, abwab al-jannah. Hada dhikr wa inna lil-muttaqin la husna ma'ab. Ceci est un rappel, et c'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Des jardins de stabilité aux portes ouvertes pour eux. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام nous dit: tous ceux, quiconque effectue ses ablutions et perfectionne ses ablutions, puis dit: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Les 8 portes du paradis Al-Jannah lui seront alors ouvertes, et pouvant alors rentrer par celle qu'il désire. Ainsi les portes du paradis sont au nombre de 8. Selon la parole du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام الذي لا ينفق عن الهوى. Et sachez également, ayyuha al-ikhwa, que le premier à rentrer au paradis al-Jannah et le premier à qui la porte du paradis lui sera ouverte n'est autre que notre imam et notre bien-aimé et notre maître sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique et par l'imam Ahmed dans son musnad selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit: je viendrai alors et j'arriverai devant la porte du paradis Al-Jannah. Puis je demanderai que l'on m'ouvre. Et alors le portier me dira: qui es-tu? Je dirai alors: Muhammad ibn Abdillah. Et alors il répondra: rentre ya Rasulallah. J'ai certes reçu l'ordre de n'ouvrir à personne avant toi. Rentre ya Rasulallah. Je n'ai certes reçu l'ordre de n'ouvrir à personne avant toi. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani dans son livre Sahih Al-Jami', selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je serai le premier à prendre l'anneau de la porte du paradis, et alors je le bougerai. Et je le bougerai alors. Et sachez, yon ikhwatul kiram, que la première communauté à rentrer dans le paradis Al-Jannah est la communauté de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Alors écoutez certes cette bonne nouvelle, ayyuha al-ikhwa. Écoute la bonne nouvelle, ô toi, ummat al-islam. La première communauté à rentrer au paradis al-jannah est celle de l'islam. Et le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayra. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: nous sommes les derniers et les premiers le jour de la résurrection. Nous sommes les derniers mais les premiers le jour de la résurrection. Et nous serons les premiers à entrer au paradis, malgré qu'ils aient reçu les livres avant nous, et nous les l'avons reçu après eux. Ainsi la première communauté à rentrer au paradis est la communauté de l'islam. Et le premier groupe à rentrer au paradis aura les caractéristiques suivantes, comme ceci a été évoqué dans les deux recueils authentiques selon Abi Huraira radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les premiers à rentrer au paradis seront à l'image de la pleine lune. Ceux qui les suivront, le deuxième groupe, sera à l'image de l'étoile la plus brillante dans le ciel. Ils n'urineront pas, et ils ne déféqueront pas, et ils n'auront pas à se moucher, et ils ne cracheront pas. Et leur peigne sera en or, et leur transpiration aura l'odeur du musc. L'encensoir sera dansant, alors qu'en est-il de ce qu'on y place? L'encensoir sera dansant, leurs femmes seront les houris. Leur comportement sera celui d'un seul homme, 60 coudées dans le ciel, à la taille de leur père Adam alayhi salam. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. 60 coudées dans le ciel, telle est la première catégorie qui entrera dans le paradis al-Jannah. Mais alors quelle est la nourriture des gens du paradis al-Jannah, ayyuha al-Ahbab? Allah الله تبارك وتعالى نجيب: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. Et des fruits de leur choix et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission bonne et authentifié par Cheikh Al-Albani selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les oiseaux du paradis Al-Jannah sont-elles des chameaux dans leur taille? Les oiseaux du paradis Al-Jannah sont-elles des chameaux dans leur taille, circulant sur les arbres du paradis? Et alors Abu Bakr radiallahu anhu demanda au prophète alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, ce seront des oiseaux épanouis? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: le fait de les manger est plus délicieux encore. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: et j'espère de la part d'Allah que tu en mangeras. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose qui sera servie aux gens du paradis Ahlul Jannah est du surplus de foie de poisson. Est du surplus de foie de poisson. Et les gens du paradis Ahlul Jannah mangeront alors et boiront. Et certains juifs ont contesté et ont nié cela à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam. Comme ceci a été évoqué dans le hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i et par l'imam Ahmed dans son Musnad, un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani selon Zayd ibn Al-Arqam radiallahu anhu. Celui-ci dit: un homme juif vint voir le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam et lui dit: Ya Abul Qasim, tu prétends que les gens du paradis mangent et boivent? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Naam, oui. Walladhi nafsi biyadi, par celui qui tient mon âme dans sa main, chacun d'entre eux aura la force de 100 hommes dans le fait de boire, de manger et d'effectuer les rapports avec ses femmes. Et alors le juif dit: mais s'ils mangent et ils boivent, ils devront alors faire leurs besoins et ils auront besoin d'aller aux toilettes afin de vider leur ventre et leur estomac, alors qu'il n'y a pas ces substances dans le paradis Al-Jannah. Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam répondit: le besoin de chacun sera transformé en une sueur et en une transpiration au rang ayant l'odeur du musc. Le besoin de chacun sera transformé en une sueur et une transpiration sortant de leur peau et ayant l'odeur du musc, et leur ventre se réduira alors à l'état normal. Ainsi les gens du paradis Ahlul Jannah mangeront et boiront. Alors quelles sont donc les boissons des gens du paradis? Ayyuha al-ikhwatul kiram, quelles sont ces boissons? Allah tabarak wa ta'ala nous dit: Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah, et ils la feront jaillir en abondance. Et Allah nous dit également: wa yatufu alayhim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes et des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Leur boisson sera de l'eau jamais malodorante, qui n'aura jamais de mauvaise odeur, du lait dont le goût sera inaltérable, du vin non nuisant et dont le goût sera délicieux, et du miel qui sera purifié. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ, telle la description du paradis qui a été promis aux pieux: فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait d'un goût inaltérable, ainsi que des ruisseaux d'un vin non nuisant et d'un goût délicieux, et des ruisseaux d'un miel purifié, et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ibn Hibban dans son recueil authentique, et également authentifié par Cheikh Al-Albani selon Abi Hurayra radiallahu anhu, Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit les fleuves du paradis, Anhar al-Jannah, proviennent d'en dessous de montagnes de musc. Proviennent d'en dessous de montagnes de musc. Fala ilaha illallah. Les fleuves du paradis proviennent d'en dessous des montagnes de musc. Voilà en ce qui concerne ayyuha al-ikhwa, la nourriture et la boisson d'Ahlul Jannah. Et qu'a donc cité le prophète alayhi salatu wa salam en parlant des arbres du paradis, Ashjar al-Jannah. Soyez attentifs ayyuha al-ikhwa. Le messager d'Allah alayhi salawatullahi wa salam. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le paradis fil jannah se trouve un arbre, celui qui monte à cheval et traverse son ombre pendant 100 années, il n'atteignera pas son bout. Il n'atteignera pas la fin de cette ombre. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam dit, lisez si vous le voulez la parole d'Allah jalla wa ala, fi dhillin mamdoud wa ma'in maskoub, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement. Près d'une eau coulant continuellement. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak, et authentifié selon les conditions d'imam al-Bukhari wa Muslim, ou l'imam al-Dahabi ou l'Albani l'ont confirmé, selon Sulaym ibn Amin radiallahu anhu. Celui-ci dit un jour, les compagnons radiallahu anhum, du messager d'Allah alayhi salatu wa salam dire, Allah nous fait profiter par le biais des bédouins et de leurs questions. Un bédouin vint un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Ya Rasulallah, Allah a cité dans le paradis Al-Jannah un arbre nuisant. Et je ne pensais pas qu'il y aurait au paradis un arbre qui nuirait à quelqu'un. Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam lui répondit, il lui dit, quel est cet arbre? Et alors le modeste bédouin lui dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit, fi sidrin makhdoud, ils seront parmi des jujubiers, alors que le jujubier a des épines. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, Allah ne dit-il pas, fi sidrin makhdoud, ce qui signifie des jujubiers sans épines. Pourquoi? Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, car Allah en aura fait retirer les épines, et il y aura placé à la place de chaque épine un fruit, et ce fruit contiendra 72 couleurs, qui équivaleront à 72 goûts différents. Chaque couleur ne ressemblera pas à l'autre. 72 couleurs, équivalent à 72 goûts différents dans un seul fruit. Fi sidrin makhdoud, ils seront parmi des jujubiers sans épines. Voilà ce qui en est de la nourriture des gens du paradis, ayyuha al-ikhwa, ainsi que de leurs boissons, ainsi que de leurs arbres. Et qu'est-ce qu'Allah a annoncé alors en ce qui concerne leurs habits et leurs vêtements? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Allah jalla wa ala nous dit, عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Ils porteront des vêtements verts, de satin et de brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Et Allah nous dit également, يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Ils seront parés de bracelets d'or et également de perles. Et leurs vêtements, ils seront de la soie. Et ils seront accoudés sur des divans en train de regarder. Et sur des hauts lits, ils seront couchés, leurs coussins organisés et rangés, leurs tapis étalés. Yatoufu alayhim wildanum mukhalladun idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, tels des perles. Lorsque tu les verras, tu penseras que ce sont des perles éparpillées. Ce sont des serviteurs qui serviront les gens du paradis al-Jannah. Lorsque tu les verras, ya Abdallah, tu penseras que ce sont des perles éparpillées, et ce, de par leur beauté et de par leur visage illuminé. Ils serviront qui? Les unificateurs al-Muhidin. Ils serviront qui? Les pieux al-Muttaqin. Ils serviront qui? Ceux qui auront craint le serviteur, le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. Idha ra'aytahum, hasibtahum lu'lu'an manthura. Lorsque tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Et chacun alors travaillera et servira pour l'habitant du paradis Al-Jannah. Et quelles sont alors les demeures? Quelles sont alors les maisons et les châteaux et les palais du paradis Al-Jannah? Et avec quoi auront été construits ces demeures et ces châteaux? Écoutez, ayyuha al-ikhwatul kiram, et soyez attentifs. Les compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum ont posé cette question au messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et ils dirent au prophète alayhi salatu wa salam, et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad, et par l'imam Tirmidhi dans ses sunan, un hadith ayant une chaîne de transmission bonne selon Abi Hurayra. Il dit, Ya Rasulallah, parle-nous du paradis Al-Jannah. Comment sont construites ces demeures? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, elles sont construites avec des briques d'or et des briques d'argent. Son ciment est du musc. Le ciment qui lie les briques est de musc. Sa terre est de perles et de diamants. Les petites pierres du paradis sont des perles et des diamants, ayol ikhwa. Puis dit sallallahu alayhi wa sallam, son sable est de safran. Celui qui y entre sera heureux, jamais attristé, et sera éternel et ne mourra jamais. Et leurs habits ne seront point usés et ils ne vieilliront jamais. Voilà en ce qui concerne les demeures et les châteaux et les palais du paradis. Al-Jannah, qu'en est-il alors sur les degrés du paradis et les étages du paradis? Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah nous dit, « Lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabiniya tajri min tahtiha al-anhar. » Il y aura pour demeure des étages au paradis, au-dessus desquels d'autres étages seront construits et sous lesquels couleront des rivières. Quant à ces degrés et ces différents niveaux, dans les derniers recueils authentiques selon Abu Sa'id radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, les gens du paradis Ahlul Jannah observent ceux qui sont dans les étages supérieurs à eux, tels que tu vois l'étoile éloignée dans le ciel vers l'Orient ou vers l'Occident. Cela est dû à leurs différents degrés. Et alors il dit, ya Rasulallah, mais telles sont les demeures du prophète Al-Anbiya, personne d'autre ne les atteindra. Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam, la, non, walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme dans sa main, ce seront des hommes qui auront cru en Allah et auront déclaré véridique les messagers. Ce seront des hommes qui auront cru en Allah et qui auront déclaré véridique les messagers al-Mursaloun. Et qu'a dit Allah à propos des femmes du paradis, Nisa ou Jannah, à propos de leur beauté et de leur splendeur, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, fihinna khayratun hisan, il y aura là des vertueuses et des belles. Et il nous dit également, hurum maqsuratun fil khiyam, des houris cloîtrés dans leurs tentes. Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan. Et Allah nous dit qu'avant eux, aucun homme ni djinn n'aura touché et déploré. Aucun homme et aucun djinn ne les aura touchés. Elles seront purifiées de leurs règles et de leurs menstrues et de l'urine et de la défécation et du crachat et de ce qu'on sort du nez. Et dans les deux recueils authentiques selon Anas ibn Malik ibn radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, si une femme du paradis regardait d'en haut le peuple de la terre, elle illuminerait de son regard le ciel et la terre de lumière, et elle emplirait entre le ciel et la terre de son parfum, et son voile est certes plus valeureux et plus noble que tout ce bas monde ad-dunya et tout ce qu'il contient. Son voile est plus valeureux et plus noble que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Et sachez que les femmes du paradis, Nisa ou Jannah, ne regardent que leur mari, elles ne regardent que lui. Alors au toi, celui qui aura attesté l'unicité d'Allah, au toi celui qui aura adoré Allah uniquement, soit au toi celui qui aura obéi à Allah tabaraka wa ta'ala, et celui qui aura obéi au messager d'Allah alayhi salatu wa salam, sache que ta femme au paradis ne regarde que toi. Elle ne regarde que toi, fihinna qasiratu taf. Ils y trouveront des houris au regard chaste. Elles ne regarderont que leur mari, et elle l'aimera alors. Et elle lui dira des paroles douces et d'amour, et elle l'embrassera et elle le prendra au niveau du cou. À chaque fois que tu feras l'acte avec elle, ya Abdallah, elle reviendra alors et elle redeviendra vierge. Comme tu l'as trouvé auparavant, comme tu l'as trouvé au départ. Uruban atraba, gracieuse et de même âge. Et sachez que les femmes du paradis chanteront également pour leur mari, comme il a été rapporté dans Mu'jam at-Tabarani, et authentifié par Sheikh al-Albani selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, les femmes du paradis Nisa ou Jannah chantent pour leur mari avec des voix que nul n'aura entendues auparavant. Avec des voix que nul n'aura entendues auparavant. Et parmi ce qu'elles chantent, nous sommes les éternels et nous ne mourrons jamais. Nous sommes les apaisés et nous ne serons jamais apeurés. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tabarani et authentifié par Sheikh al-Albani. Voilà en ce qui concerne les femmes du paradis. Et le nombre des femmes du paradis pour le serviteur est différent selon chaque croyant, selon ses différentes œuvres et actions effectuées dans ce bas monde ad-dunya. Comme nous le dit Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, quant à ta femme de ce bas monde, ya Abdallah, quant à ta femme dans ce bas monde ad-dunya, ta femme qui aura prié pendant la nuit al-layl, ta femme qui aura jeûné le jour al-nahar, ta femme qui t'aura aidé dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, celle qui aura préservé sa chasteté, qui aura dissimulé son corps, Allah la changera et la transformera et la rendra alors plus belle que les houris, plus belle que Hurmi. Pourquoi donc? Car elle aura jeûné le jour, car elle aura veillé pour prier la nuit, car elle aura combattu les désirs et les ambiguïtés. Naam, cela est la promesse du Seigneur des cieux et de la terre, tabaraka wa ta'ala, pour les croyantes et les mu'minates, pour celles qui auront effectué continuellement leurs bonnes actions, pour les vertueuses, as-salihat, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. C'est nous qui les avons créés à la perfection et nous les avons faites vierges, gracieuses et tous de même âge pour les gens de la droite. Cette femme qui t'aura obéi dans l'obéissance d'Allah et tabaraka wa ta'ala, cette femme qui t'aura aidé dans l'obéissance d'Allah et azza wa jal, cette femme qui aura porté al-hijab, le voile religieux, et qui aura accompli les ordres du Seigneur de l'univers, Rabbul Alameen, si elle meurt, même si elle meurt vieille et ridée, Allah jalla wa ala la transformera et la rendra plus belle que Hurun'in. Elle sera plus belle que les houris. Et sachez, ayyuhal ikhwatul kiram, également que dans le paradis al-jannah, il y aura un marché. Et que les gens se rencontreront dans ce marché, et ainsi ils se rencontreront, comme ceci a été cité dans le hadith rapporté de l'imam Muslim. Le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y aura au paradis fil jannah un marché où tout le monde se rassemblera tous les vendredis. Les vents du nord souffleront alors, et cela glissera sur leurs visages et sur leurs habits. Lorsqu'ils rentreront chez leur famille, ils auront alors augmenté en beauté et en splendeur. Leur famille dira alors, Iwallah, vous êtes encore plus beau qu'auparavant. Et eux, ils répliqueront, Iwallah, vous également, vous êtes encore plus belle qu'auparavant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a également informé que sur le fait que les gens du paradis, Ahlul Jannah, se déplacent dans le paradis. Et ils ont même des moyens de transport, et Iyahirwa. Comme un bédouin un jour qui demanda et qui questionna le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sur les moyens de déplacement des gens du paradis. Alors il dit, Ya Rasulallah, et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Cheikh al-Albani. Selon Abi Ayyub al-Ansari, radiallahu anh, un bédouin vint voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit, Ya Rasulallah, j'aime les montures, j'aime les chevaux. Y a-t-il au paradis des montures? Y a-t-il au paradis des chevaux? Et alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, si tu rentres au paradis, tu auras un cheval d'émeraude rouge, ayant deux ailes, t'emmenant où tu le désires. Si tu rentres au paradis, tu auras un cheval d'émeraude rouge, ayant deux ailes, t'emmenant où tu le désires. Quelle faveur et quel honneur de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tel est ce qu'Allah jalla wa ala aura préparé aux gens du paradis, à ses rapprochés, à ses bien-aimés, à ses élus. Et tel est ce dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Inna alladhina amanu wa aminu salihat, lahum jannatun na'im. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices. Khalidina fiha, wa'adallahi haqqa, wa huwa al-azizul hakim. Pour y demeurer éternellement, c'est une vérité et une promesse, c'est en vérité une promesse d'Allah, et c'est lui le puissant et le sage. Nas'alullah jalla wa ala an yarzuqana al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal, wa an yunajjina min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Innahu wali dhalika wal qadir alayhi wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Ayyuhal ikhwatul kiram, vous venez de vivre avec nous et avec votre âme et vos cœurs et votre raison et votre esprit pendant un petit moment avec les jardins des délices, Jannatun Na'im, qu'Allah Jalla wa Ala a préparé et a réservé aux croyants et aux mu'minoun, ceux qui accomplissent et effectuent les bonnes œuvres et les bonnes actions. Mais sachez avec conviction, yaqin, ayyuhal ikhwa, que le véritable bienfait du paradis al-Jannah est ni dans sa boisson, ni dans sa nourriture, ni dans ses vêtements, ni dans ses constructions, ni dans ses femmes, ni dans son vin, ni dans son miel, ni dans ses arbres, ni dans ses châteaux, ni dans ses palais. Mais le véritable bienfait du paradis al-Jannah est dans le regard de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le fait de voir Allah jalla wa ala, et ceci a été édicté et instauré par Ahlu Sunnati wal Jama'a, et unanimement reconnu par les prophètes al-Anbiya et les messagers al-Mursaloun, ainsi que tous les compagnons al-Sahaba et les successeurs al-Tabi'oun, et Aïmmatul Islam et les imams de l'islam selon leur siècle. Et n'ont contesté et nié cela que les gens de l'innovation Ahlul Bida, tels Al-Jahmiya, Wal-Fir'awaniya, les Pharaonites et les Jahmites, et les Bataniyya, ainsi que les Shia al-Rawafi, qui sont coupés de la corde d'Allah et Azzawajal et accrochés aux cordes du diable à Shaitan ou al-Iyadu Billah, et qui ont continué ou al-Iyadu Billah à insulter les compagnons et qui combattent la sunna et les gens de la sunna. Tous ceux-là seront voilés par leur Seigneur et seront voilés de la porte de sa miséricorde et virés de la porte de sa miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé le fait que l'on le verra le jour de la résurrection, que les gens du paradis le verront. Et il nous dit tabaraka wa ta'ala, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et Allah nous dit également, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ. À ceux qui agissent en bien et réservent la meilleure récompense et également davantage. Et davantage, ce ziyada aura été interprété par le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par l'imam ou muslim, c'est le fait de voir le visage d'Allah azza wa jalla. Tel est le véritable but. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, ou l'imam al-Nasa'i, ou l'imam al-Tirmidhi, selon Suhaib al-Rumi, radiyallahu anhu, il dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, lorsque les habitants du paradis rentreront au paradis al-Jannah, leur Seigneur les appellera alors et leur dira, voulez-vous autre chose? Désirez-vous autre chose? Et alors ils répondront, mais que pourrions-nous avoir de plus? Ne nous as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas sauvés de l'enfer? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis al-Jannah? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à ce moment-là, le voile se retirera alors. Ils n'auront alors pas eu quelque chose de plus aimé pour eux que de voir leur Seigneur. Ils n'auront pas eu quelque chose de plus aimé pour eux que de voir leur Seigneur. Et le véritable bienfait est de voir le visage d'Allah Jalla wa Ala. Et après cette joie incommensurable, vient ensuite la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala sur tout croyant et tout croyante. La satisfaction éternelle sur tout croyant et tout croyante de la part d'Allah Jalla wa Ala. Comme ceci a été cité dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. Selon Abi Saïd radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, Allah Jalla wa Ala dira, lorsque les gens du paradis Ahlul Jannah rentreront au paradis, Ya Ahlul Jannah, au bout les gens du paradis, ils répondront alors, ô notre Seigneur, nous voici à ton service, tous les biens sont entre tes deux mains. Allah Jalla wa Ala leur dira alors, êtes-vous satisfaits? Et alors ils répondront, ô notre Seigneur, pourquoi ne nous le serions pas? Alors que tu nous as donné ce que tu as donné à personne auparavant. Et alors leur Seigneur leur dira, voudriez-vous quelque chose de meilleur que cela? Et alors ils répondront, Seigneur, quel est le bienfait meilleur que tout cela? Et alors il répondra, tabaraka wa ta'ala, je vous accorde ma pleine satisfaction de sorte que je ne me fâche jamais de vous. La satisfaction d'Allah Jalla wa Ala envers les croyants et les habitants du paradis, le Jannah, ils seront alors plongés dans ce bienfait et dans ce délice éternel. Inna alladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun na'im. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices, khalidina fiha, pour y demeurer éternellement. Wa'adallahi haqqa, c'est en vérité une promesse d'Allah. Wa huwa al-azizul hakim, et c'est lui le puissant et le sage. Et dans de nombreux versets, on aura entendu khalidina fiha abada, pour y demeurer éternellement, sans fin. C'est une joie qui ne s'arrêtera jamais, une éternité qui ne se rompra pas, et le bienfait qui ne périra jamais, et un délice qui ne s'interrompra pas. خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ, pour y demeurer éternellement, c'est en vérité une promesse d'Allah. Dans les deux recueils authentiques selon Abi Saïd ibn al-Khudri radiyallahu anhu wa arda, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, on viendra le jour de la résurrection avec la mort et le maut qui aura l'apparence d'un bélier blanc, d'un bélier de forte blancheur. Soyez attentifs ayol ikhwa, on viendra le jour de la résurrection avec la mort et le maut sous l'apparence d'un bélier de forte blancheur. On viendra le jour de la résurrection avec ce bélier, puis Allah Jalla wa Ala s'adressera aux gens du paradis et leur dira, Ya Ahl al-Jannah. Et alors ils lèveront la tête et ils regarderont. Allah Jalla wa Ala leur dira, connaissez-vous celui-ci? Et alors ils répondront, Ni'am, c'est la mort et le maut. Nous le connaissons car tout le monde l'aura vu. Puis un appeleur appellera et dira, Ya Ahl al-Nar, ô vous les gens de l'enfer. Ils lèveront alors la tête et ils regarderont. Allah Jalla wa Ala leur dira, connaissez-vous celui-ci? Et alors ils répondront, oui, Ni'am, nous le connaissons, c'est la mort et le maut, car tout le monde l'aura vu. Et alors Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera alors à ce moment-là d'égorger ce bélier, c'est-à-dire d'égorger la mort et le maut, qui est sous la forme de ce bélier de forte blancheur. sur un pont entre le paradis al-jannah et l'enfer al-nar. Puis Allah tabaraka wa ta'ala appellera « Ya ahl al-jannah, ô vous les gens du paradis, à vous l'éternité sans mort. Ya ahl al-nar, ô vous les gens de l'enfer, à vous l'éternité sans mort. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita alors la parole d'Allah jalla wa ala « Wa anzirhum yawm al-hasra il qudhiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. » Et avertis-les le jour du regret, lorsque tout sera réglé, alors qu'ils sont plongés dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam récita « Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun » alors qu'ils sont plongés et inattentifs dans ce bas monde et qu'ils ne croient pas, il fit signe avec sa main en montrant ce bas monde et ses habitants. Cela signifie que les gens de ce bas monde sont distraits de ce bienfait qu'est le paradis al-jannah et de cet enfer al-nar. Na'am ayol ikhwan, telles sont certaines descriptions concernant Jannat al-Na'im, le jardin des délices, qu'Allah aura préparé aux croyants et destiné aux croyants, ceux qui auront effectué et accompli les bonnes œuvres et les bonnes actions. Alors y a-t-il un travailleur pour acquérir ce paradis al-Jannah? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui désira travailler pour cette mariée chère? Qui parmi vous retroussera ses manches afin de gagner ce paradis? Qui est-ce qui parmi vous travaillera pour ce paradis? Certes, la marchandise d'Allah est chère. Certes, la marchandise d'Allah est le paradis al-Jannah. Certes, la dot du paradis est chère. La dot du paradis ayon ikhwa n'est autre qu'un iman ou sadiq, la foi sincère et vraie. Ou l'amal ou salih, les bonnes actions. Inna alladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun na'im. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices, khalidina fiha, pour y demeurer éternellement. Wa'adallahi haqqa wa huwa al-azizul hakim. C'est en vérité une promesse d'Allah et c'est lui le puissant al-aziz qui ne peut être vaincu. Celui dont toutes les choses est plus bas que lui. Wa huwa al-azizul hakim, al-hakim le sage dans sa parole et dans ses actions, dans ses règles et dans ses commandements. Al-Hakim le sage, c'est lui qui place toute chose où elle doit être. Al-Aziz al-Hakim. Khalidina fiha wa'adallahi haqqa, wa huwa al-Aziz al-Hakim. Alors, au toi qui demande le paradis al-Jannah sans avoir fait la prière, au toi qui demande le paradis al-Jannah sans t'acquitter de l'aumône al-Zakah, au toi qui demande le paradis al-Jannah sans avoir effectué le pèlerinage al-Hajj, ni obéissance à Allah jalla wa'ala, sachez, yu al-Ikhwatul Kiram, sachez que certes vous-même, vous tous, vous êtes des menteurs de vos invocations et vous trompez vos âmes, car le paradis al-Jannah n'est point pour les hypocrites al-Munafiqin. Le paradis al-Jannah n'est pas pour celui qui aura associé Allah. Le paradis al-Jannah n'est pas pour celui qui aura délaissé la prière. Le paradis al-Jannah n'est pas pour celui qui ne se sera pas acquitté de l'aumône al-Zakah. Le paradis al-Jannah n'est pas pour celui qui aura mangé pendant Ramadan. Le paradis al-Jannah n'est pas pour celui qui se sera enorgueilli par rapport à l'Hajj. Le paradis al-Jannah n'est pas pour celui qui aura désobéi à ses parents, ni pour celui qui aura coupé les liens de parenté, ni pour celui qui aura combattu et sera loin de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Le paradis al-Jannah n'est point pour les séductrices dénudées, n'est point pour les actrices et les comédiennes, n'est point pour celles qui ont combattu le Seigneur des cieux et de la terre avec ses tentations. Le paradis al-Jannah n'est point pour celle qui n'aura pas mis le voile al-hijab, n'est point pour les désobéissants al-rosa, mais le paradis al-Jannah, inna alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices. Ainsi le paradis al-Jannah sera donc pour ceux qui auront cru et auront effectué les bonnes actions, non pour ceux qui prétendent avoir la foi al-Iman, non pour ceux qui sont menteurs dans leurs paroles, non pour ceux qui se trompent eux-mêmes, non pour les hypocrites al-munafiqoun, non pour ceux qui s'enorgueillissent devant les serviteurs d'Allah et Azza wa Jal, non pour ceux qui commettent des injustices envers les créatures d'Allah Jalla wa Ala. Inna alladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun na'im. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices, khalidina fiha wa'adallahi haqqa wa huwa al-azizul hakim. Pour y demeurer éternellement, c'est en vérité une promesse d'Allah, c'est lui le puissant et le sage. Et qu'Allah agrée Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui est véridique lorsqu'il nous dit: l'âme pleure sur le bas monde ad-dunya, mais elle ignore que la tranquillité est de le délaisser et de délaisser ce qu'il contient. Il n'y a pas de demeure pour la personne après la mort, sauf celle qu'il est en train de construire avant de mourir. S'il l'a construite en faisant le bien, sa demeure sera belle. Mais s'il l'a construite en faisant le mal, sa demeure sera cruelle. Nous rassemblons notre argent pour nos héritiers et nos maisons seront détruites au fil des temps. Combien de villes ont été construites et elles se sont détruites et la mort les a péries? Où sont les rois qui ont eu un grand empire jusqu'à ce que la mort leur verse le verre de la mort? Le bon comportement est un comportement purifié. La religion est le premier, la raison est le deuxième. La science est le troisième et la patience Assab est le quatrième. La générosité est le cinquième et le reste est le mérite. Et ne te repose ainsi pas sur le bas-monde ad-dunya. Car la mort nous attrapera sans aucun doute. Et œuvre pour la demeure de demain. La satisfaction est ce qu'il y a. Et le voisin sera Mohammed. Et le tout miséricordieux Ar-Rahman est le sauveur. Et le gardien sera Radwan. Ses châteaux sont ton or. Et le musc est son sable. Le safran est l'herbe qui y pousse. Et ses fleuves sont de miel purifié. Le vin circule dans les fleuves et les oiseaux bougent sur les branches. Et ils invoquent Allah ouvertement. Qui veut donc acheter une demeure dans le Firdaus al-A'la ? Ce serait-ce par une inclinaison dans l'obscurité de la nuit. Inna alladhina amanu wa aminu salihat. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, lahum jannatun na'im, auront les jardins des délices. Wa'adallahi haqqa khalidina fiha, wa'adallahi haqqa wa huwa al-azizul hakim. Pour y demeurer éternellement, telle est une vérité et en vérité une promesse d'Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. As'alullaha jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأن ينجينا من النار وما خرب إليها من قول وعمل إنه ولي ذلك من قادر عليه اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهلها. Nous demandons à Allah جل وعلا par ses noms les plus parfaits et les attributs les plus sublimes qu'il fasse que l'on soit parmi les gens du paradis et qu'il nous rapproche de ce paradis par toute parole ou action et qu'il nous préserve de l'enfer an-nar et par toute parole ou action qui se rapprocherait de l'enfer. Lui seul en a la capacité et le pouvoir, et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission oubli ne peut provenir que de moi et de Shaitan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien dans les grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager, ainsi que sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuha al-ikhwatul kiram, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, walhamdulillahi rabbil alamin.